contre le destin qui me fit ce jour-là rencontrer Johanna. Juste avant qu'elle ne change, j'ai chanté pour elle avant pour ses petites ailes d'ange. Oh, puis les cris de sa mère m'ont déchiré le cœur. Mais que dire face à l'injustice, à l'insondable douleur? J'ai voulu à ce moment-là serrer mes filles dans mes bras. Thank you.